Beyonce. I am. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Bienvenue là où fortune le faible, où la fin tu te pètes, où la société te congratule et t'accepte une fois la fortune faite, où les dettes cumulent, où le crédit accule des tas de foyers, où les hommes ont perdu d'idéaux, je parle les putes dévoyées en vidéo, chaque soir c'est la fête, les salons conçus attirent les fesses sur les gros caïdes, qui arrosent les guéridons de pure cocaïne. Ici les gosses rêvent d'être pires, beaucoup partent et peu qui restent, nombreux sont ceux qui dès 13 ans connaissent leur première ivresse. Bienvenue là où l'air pollué, par les pots d'échappement déclenche, allergie en cascade, des taureaux cordes trois dans les branches, douleur dans les hanches. Rien de plus dangereux que la faune humaine. Quand ils explosent un faucon pring, sans peine à coups de trim, ni trop toluène. Les vis qu'on hygiène, la machine de l'état. Les cabines échangent, laisse la merde en étal. Peut passer les menottes en métal. On en est là. Ici 300 blindés font ce qu'ils veulent. Font comme s'ils vivent seuls, ramènent tout à leur petite gueule. Quand ils meurent, bouchés dans le viseur. Bienvenue. Après le 11 septembre, on évoque une autre voix. Au silence, dit au revoir. Dans leur d'autres fois, dit baiser le monde d'autres voix. Où les vieux des pays riches fantasment sur les mômes de Bangkok. Pourquoi tant que mettre à part ces connards en dol? Ici on croit moins en Dieu qu'au fantôme. Un hymne sanguinaire, on en donne. Partout on sent la peur d'un peuple. Vous passez au pantone, l'hiver mange l'été, le printemps, des fois tu l'automne. Crie plus fort, le grand doux monde, on te garé quelque part lors son automne. Bienvenue mes petits anges, car voici ce monde. Tantôt l'un, tantôt l'autre, anges et démons, ils disputent le parvis avec pour un jeu ceux qui s'y votent. Où l'on s'occupe de l'horreur, seulement lorsqu'elle frappe à nos portes. Où la rumeur tue, sournoisement, qui se coule sur un dans la horde. Où tu bouffes de la merde chaque jour, et on te le dit 20 ans après. Parce qu'en fait, ils s'en tapent, ce qu'on pense, on le sait, mais ils ne diront jamais. Où on est bien trop con, pour voir comme un qui est bon. Et ce, avant qu'il meure, puis on se tente de le connaître. Achetant ses tableaux, visitant sa demeure. Bienvenue dans ce monde où on se dit tous égaux. Blague à part, là c'est le caniveau. Là-haut, c'est les bureaux, mais le mieux, c'est au milieu. Où on sait si fragile qu'on prévoit les pièces de rechange. D'ici peu de temps, on s'achètera des jambes en famille le dimanche. Où tout le monde ne mange pas sa faim. Lieu de conflit sans fin, créé dans le fond pour que seul parvienne à ses fins. La misère comme moyen, où le supposé mort esclavage sévit encore en divers lieux. Tu vois, y'a toujours des graines de poussière vaniteux qui se prennent pour des dieux. Bienvenue, pas à Gataka, mais presque. Seul l'élu évite la presse, on parque le reste. En attendant que vieillesse manifeste, où on parle de présélection, d'amélioration, de transformation génétique. C'est pas magnifique, une armada de super soldats de plomb. Où on se tue pour un pif tech ou un pifton. Où on entend le mensonge aveugle, on voit pas l'illusion. Envoler la laine du mouton, je t'annonce le son parce que le flair, je préférais que tu le découvres. Allez, petit, lance-toi, t'inquiète, vas-y, fonce, moi je te couvre. World.